Mais Pyrrhus, repoussé par Andromaque, se dit prêt à épouser comme prévu Hermione, aux grandes dames d'Oreste, et à livrer Astyanax, à ce même Oreste, l'ambassadeur des Grecs. En fait, en compagnie de sa confidente Céphise, Andromaque, désespéré, vient supplier Pyrrhus de sauver Astyanax. Pyrrhus, ému, mais conscient de l'affront qu'il va ainsi faire à Hermione, s'adresse à Andromaque, avant de la laisser seule avec sa confidente Céphise. « Je vous conduis au temple où son immense apprête. Je vous ceins du bandeau préparé pour sa tête. Mais ce n'est plus, madame, une offre à dédaigner. Je vous le dis, il faut ou périr ou régner. Mon cœur, désespéré d'un an d'ingratitude, ne peut plus de son sort souffrir l'incertitude. C'est craindre, menacer et gémir trop longtemps. Je meurs si je vous perds, mais je meurs si j'attends. Songez-y, je vous laisse, et je viendrai vous prendre pour vous mener au temple, où ce fils doit m'attendre. Et là, vous me verrez, soumise ou furieux, vous couronner, madame, ou le perdre à vos yeux. »